Agresser, mal faire les trucs, transgresser les lois, t'en parles, mais sans savoir ni voir, Scarla, toi tu me fais graisser. Les pattes de fils de l'âge, gâche sage, progresser. Un petit pensée, ça me coupe les pattes, ça me coupe les pattes. Agresser, mal faire les trucs, transgresser les lois, t'en parles, mais sans savoir ni voir, Scarla, toi tu me fais graisser. Les pattes de fils de l'âge, gâche sage, progresser. Un petit pensée, ça me coupe les pattes. Ça me coupe les pattes. La réalité du bazar, la réalité du lascar, qui est de perdre son temps à chercher la merde, entraînant dans la merde, entraînant pas mal de merdeux. C'est le bazar, le trou noir, y'a que ça. Des centaines de points qu'on ne fait qu'obscurcir, y'a que ça qui nous fait triper. Car en ce temps, on est trippé pour des tripes. Ça me fait triper, car j'en ai dans les tripes. Original, rappeur, bambo, clat, éclaté dans ma voix sonore et pas de lascar et rate. Quand chacal est la version bancale et mon équipage, chacal sont nos actions, bancale et mon équipage. Avec la rage, on tourne chaque page de nos vies qu'on souhaite finir au large. Un jour ce n'est pas un jeu, cette vie à laquelle chaque jour on met un peu plus de soi-même, de l'autre côté de ce qu'on aime, parce qu'on s'aime, la gêne quand on s'aime. Agresser, mal faire les trucs, transgresser les lois, t'en parles, mais sans savoir ni voir, Scarla, toi tu me fais graisser. Les pattes de fils de l'âge, gâche sage, congresser. Un petit pensée, ça me coupe les pattes, ça me coupe les pattes. Agresser, mal faire les trucs, transgresser les lois, t'en parles, mais sans savoir ni voir, Scarla, toi tu me fais graisser. Les pattes de fils de l'âge, gâche sage, congresser. Un petit pensée, ça me coupe les pattes, ça me coupe les pattes. J'écris ma rage contre DJ, merde, ainsi va la vie, DJ. Merde à la cam, au Toshi, le crame, c'est caméléon et patron. J'espère, c'est pas par peur, mec. Mais par manque de frères, mec, que j'écris ça comme ça. Ainsi la vie que je vis, je connais par cœur, me semble plus, moins bidon, plus, moins con comme ça. Dans le caniveau, parmi les rivaux, les mecs qui n'ont plus de dos, ceux qui font plus dodo, mes bobos. À chaque nouvelle nuit, chacune de mes nouvelles fait du bruit. Rien à foutre du format, tellement ma forme a appris à faire sans elle. Sans âme ni larmes, sans armes. En fait, pour revenir au même point, là où jaloux et armes ne sortent pas, vivant caché aux yeux de tout un quartier, là où on se demande ce qu'on fout dans cette vie. Là où on se demande ce qu'on fout dans cette vie. Agresser, mal faire les trucs, transgresser les lois, t'en parles, mais sans savoir ni voir, Scarla, toi tu me fais graisser. Les pattes de fils de l'âge, gâche sage, congresser. Un petit pensée, ça me coupe les pattes, ça me coupe les pattes. Agresser, mal faire les trucs, transgresser les lois, t'en parles, mais sans savoir ni voir, Scarla, toi tu me fais graisser. Les pattes de fils de l'âge, gâche sage, congresser. Un petit pensée, ça me coupe les pattes. Ça me coupe les pattes. Baser sa vie du deal et de sa clientèle, c'est comme baser sa vie sur le bordel. Sur feuille à rouler, baser sa vie. Survient l'hémorragie, les morts viennent, les portes tiennent. Quelque peu les portes de l'enfer comme celles de l'éternel. Peut prendre feu tes ficelles qui cogitent plus. Alors n'agite plus lascar, ce qui chez toi a fait basculer ta vie. Stoppons de suite l'interne, hémorragie, du sang dans ma lanterne. Et cela à long terme, la vie d'un rue éterne, éternelle. Seul, je marche seul, seul dans la vie. À proximité du mal comme du bien, j'ai toujours eu le choix, cousin. Ici, là où jeunes se tirent dessus, s'insultent, se crachent dessus. Ce chemin auscule beaucoup plus de jeunes qu'on ne croit ici, qu'on ne croise ici. Mes ennuis, donc ceux-ci font fort. Mal intégral, tout confort, tout qu'on fait. Si on le sait, quand on lui échappe, le comprend. Quand on s'en tape, 100% s'en tape. J'ai dit tout qu'on fait. Agresser, mal faire les trucs, transgresser les lois, t'en parles, mais sans savoir ni voir, Scarla, toi tu me fais graisser. Les pattes de fils de l'âge, gâche sage, congresser. Un petit pensée, ça me coupe les pattes, ça me coupe les pattes. Agresser, mal faire les trucs, transgresser les lois, t'en parles, mais sans savoir ni voir, Scarla, toi tu me fais graisser. Les pattes de fils de l'âge, gâche sage, congresser. Un petit pensée, ça me coupe les pattes, ça me coupe les pattes.